cependant, je t'aime. Tu me aimes, je ne t'oublierai jamais. J'ai reçu une triste lettre qui m'amène à l'abandon de la vie. Sans toi, je te garde par compassion. Je te châtie parce que je t'aime, mais je te garde par compassion. C'est la lettre de ma chamante adorée dit adieu.